18 mai. Au cours d'une autre promenade, Gertrude s'entretient avec le pasteur sur l'amour, le mariage, les enfants d'aveugles. Autour de cette promenade, le pasteur est troublé.